Évidemment, 9h moins 3 sur Inter. Mon cher François Morel, c'est à vous. Delphine Ernotte, déjà presque 15 jours que vous êtes à la tête de France Télévisions et déjà vous avez marqué le service public de votre empreinte. Bien sûr, de manière discrète, de manière mesurée. Mon voisin Roger, me voyant partir ce matin vers la maison de la radio et m'interrogeant sur la teneur de ma chronique, mon voisin Roger qui passe ses journées entières devant le petit écran, remarquait de façon assez peu nuancée, de toute façon à la télé, il passe que des conneries. Je ne suis pas d'accord, Roger. La télévision évolue, la télévision est en pleine mutation. Mais seul un téléspectateur aussi affûté, aussi observateur que moi a pu détecter tout ce qui a incontestablement changé depuis le 24 août, date de votre prise de fonction. D'abord, Julien Lepers, sur France 3, afin de rendre hommage à l'un de vos postes antérieurs, a fièrement arboré, et ce, pendant plusieurs émissions, la même cravate orange. Stéphane Bern, sur France 2, dans le même état d'esprit, véritable témoignage de sa vénération, de sa piété à votre endroit, aurait quant à lui porté également, au cours de plusieurs émissions, des sous-vêtements orange. Bien sûr, ce sont des détails, mais la preuve qu'une équipe est véritablement en train de se souder autour de vous. Vous êtes amatrice de théâtre et ça se voit et ça se remarque et ça s'apprécie. Pas plus tard qu'il y a deux jours, France 2 a diffusé Le Bourgeois Gentilhomme. Les esprits chagrins, les esprits grognons, ils sont hélas nombreux, remarqueront que c'était à 3h05 du matin. N'est-ce pas un signe de respect vis-à-vis du téléspectateur que de lui proposer un programme exigeant au moment où il risque le moins d'être dérangé par les portes et les divers moyens de communication qui ont tendance à polluer la concentration nécessaire au visionnage d'un grand classique français. Et puis, surtout, vous êtes passionné par l'Égypte et vous avez décidé de maintenir la programmation de l'émission Pyramide. Pour l'instant, ce sont les premiers signes qui étaient visibles à l'œil nu, mais les changements sont aussi dans les projets et dans votre volonté bien trempée. L'augmentation de la redevance est une manière courageuse de ne pas céder aux sorties démagogiques et préélectorale de François Hollande concernant les baisses d'impôts envisagées. Le retour de la publicité à partir de 20h est une solution économique qui peut très bien aller de pair avec une réussite artistique. Nombre de spots publicitaires sont des chefs-d'œuvre de création et d'inventivité. Nombreux sont les auditeurs du 7-9 qui ne supportent Patrick Cohen et ses différents chroniqueurs que dans le seul espoir de pouvoir entendre Chevalier Las Palès dans leur fameux sketch pour la Matmut. Des enfants, toi, moi non, mais mon beau-frère, oui. Madame Hermès. Merci d'en rajouter, mon ici, cher François. À France Inter, on vous adresse tous nos vœux pour votre mandat. En tant que conseiller en communication bénévole, activité que j'exerce à mes heures perdues, je vous donnerai un seul conseil. Même si ça s'avérait nécessaire, attendez quand même plusieurs semaines avant de changer la moquette de votre bureau. François Morel, à vendredi prochain.